tête, c'est pas la joie comme tous les jours. Grosse doudoune, t'as Wenger, ça passe l'hiver en bas des tours. Parle pas d'avenir, tout le monde devient sourd. Ils ont le cœur tout noir, n'ont qu'un espoir. Ils veulent refaire tout ça, la pute d'or à n'importe quelle heure. Ça te soulève ta mère, ça t'insulte, t'es mort. Toujours absent quand j'ai des galères, et jamais tu remarques le moins de mes efforts. En vrai, je m'en bats les couilles, refais ta vie. T'aimes trop foutre la merde, croyant que c'est acquis. Mais moi, je te baise et là, je mets le paquet. L'intérieur pourri, ça c'est à cause de qui? Mais Mali, j'ai plus grave fouillard à part ça. Mes potes au F, ça mandat dépôt. Rêvant de sortir le temps d'une l'air ça. Au plus voir, c'est mouillé, dire à ça luego. Ouais, comme ça, c'est nickel. La jupe calibrée, tous comme au Niger. Y'a que sur le terrain qui sont solidaires. Cours derrière les sous, à personne cherche à plaire. La dalle, on l'a, c'est pas pour rien qu'on suit. Si j'en suis là, c'est pas pour rien qu'on me suit. J'attends l'aide de personne, toi t'attends qu'on te sauve. Les mecs du 6-9, si on te cherche, on te saute. Ratatatata. Moi, mes potos qui m'ont dit, c'est lâche pas de pas décoller. Sors des morceaux, rends les fous. Un beau jour, ton heure va sonner. Moi, mes potos qui m'ont dit, c'est nique tout sans déconner. Reste parmi nous quand t'es bien, c'est la même quand t'es au sommet. Moi mes potos qui m'ont dit, c'est lâche pas, va décoller. Sors des morceaux, rends les fous, un beau jour ton heure va sonner. Moi mes potos qui m'ont dit, c'est nique tout sans déconner. Reste parmi nous quand t'es bien, c'est la même quand t'es au sommet. 2019 c'est nous on se fera plaisir. Ils font les stars mais ils ont même pas de buzz. Polygame et couilles, ils font les mecs qui baissent. Sans se mentir c'est la rire, ils se pour un deux. Ils font pas de bénéf, à vrai dire ces gens là ils ont même pas de nif. Ils enchaînent les devs, 6-9 c'est les hommes, pour ça qu'on fait la diff. Pétard sur pétard, on part vers la côte. Le sang chaud des aides dans les tripes. Figuel puis la famille, il me reste quelques potes. On est soudés, il faut pas qu'on se kiffe. C'est pas grave si les jaloux et en soumis smoke. Ça va changer vite, des idées dans la tête. Moi la nuit ça me trotte. Je crois qu'il faut que je m'équipe. AK-47, tout le monde aura peur. Rap, rabat, Neyek, tu l'entends au rapport. Mythomane complète, c'est ça les rappeurs. Gros lécheur de boules quand ça pète le score. Toi tu brises des cœurs et elle donne son corps et elle en veut encore. À n'importe quelle heure, bah ça vient chez toi et ça pète ta porte. Les manguettes c'est nous, on vient de la pire espèce. Eh ouais, on quitte pas la tête. Le million est salam, on fera ça sans stress. On est là, bras en l'air, écartez-vous de la piste. Ce soir c'est le hello. T'as reconnu la dégaine des ratus. Tiens bien ta bella, tu peux pas la récup sous un arrêt de bus. Moi mes potos qui m'ont dit, c'est lâche pas, va décoller. Sors des morceaux, rends les fous, un beau jour ton heure va sonner. Moi mes potos qui m'ont dit, c'est nique tout sans déconner. Reste parmi nous quand t'es bien, c'est la même quand t'es au sommet. Moi mes potos qui m'ont dit, c'est lâche pas, va décoller. Sors des morceaux, rends les fous, un beau jour ton heure va sonner. Moi mes potos qui m'ont dit, c'est nique tout sans déconner. Reste parmi nous quand t'es bien, c'est la même quand t'es au sommet.